Salut, monsieur, madame, personne en binaire, tu me regardes depuis une capsule temporelle à sauver de l'apocalypse. Et j'ai reçu cette capsule super importante ben, pour te parler de se fabriquer plein d'aides de jeu pour du jeu de rôle avec un simple bloc-notes. Comment c'est possible avec juste ce genre de bloc-notes? Bon, la marque n'est pas importante, hein, mais je pense que tu connais, hein, c'est vraiment très facile à trouver. Les mensurations, c'est 7,4 fois 10,5 cm. Voilà, tu as 160 pages, 80 grammes d'épaisseur. Alors, en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses. L'avantage, ça, c'est tu peux l'avoir dans la poche, pas toujours avec toi, tu prends toujours ça avec toi, un stylo. Et puis, du coup, tu vas pouvoir avancer dans ton bloc-notes au fur et à mesure, quoi. Dès que tu as du temps libre, tu es dans le métro, tu attends le bus. T'attends ta maman qui fait les courses, enfin voilà, ce que tu veux quoi, et bien tu vas avancer un petit peu sur ton petit bloc-notes. Donc je vais te donner plein de petits exemples. Par exemple, hop. Donc celui-ci, il s'appelle Grandi Pouce, donc c'est un jeu sous format, un jeu de rôle sous format bloc-notes que j'ai fait pour jouer avec mon fils Victor. Donc en fait, tu as... Au recto, des portraits de personnages. Alors, quand j'ai la motivation, je fais aussi des petits objets qui peuvent appartenir au personnage. Et au verso, y a du texte. En fait, il y a trois types de texte. Il y a une situation. Donc là, par exemple, tu navigues sur un bateau, mais vous avez perdu vos rames. Qu'est-ce que vous faites? Tu as une question. Donc, les trois textes n'ont rien à voir entre eux. Hein, c'est des inspi. La question qui pourrait être là, ça, que ferait ton meilleur ami? Et tu as une résolution, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation un petit peu critique, au lieu de lancer un dé, on va tirer une carte du bloc-notes au hasard pendant résolution. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi tu sais que j'aime bien ça, les petites résolutions narratives. Donc c'est le premier exemple, Grandi Pouce. Évidemment, du coup, tu peux faire ça à plusieurs mains, parce que par exemple, Victor a lui aussi dessiné des créatures. On dirait, je pense, une sorte de Martien dans sa soucoupe, il est venu avec ses voitures et tout. Ça, c'est le premier exemple. Tu peux faire aussi un petit carnet de scénarios. Alors, ton objectif, c'est d'avoir un scénario par page. Moi, je fais ce que j'appelle des scénarios en 5 images. Voilà, donc tu as juste 5 petits dessins reliés entre eux, en fait, par des liens logiques ou topographiques. Chaque dessin et juste décrit voilà en un mot quoi le château perdu la fontaine aux pleurs ainsi de suite quoi. Donc là ouais, tu peux très facilement te faire un carnet de scénarios tac tac tac. Toujours l'avant je dirais que souvent l'objectif si tu veux avec mes carnets c'est que tu c'est pas grave si tu finis pas le carnet quoi. Toujours chaque feuille de bloc-notes va déjà t'apporter quelque chose quoi. Tu peux faire un petit jeu descendant de la reine. Alors là, je t'ai montré avec Grandi Pouce, s'il y avait des questions, on peut se dire, bon, bah, un bloc-notes, c'est un jeu descendant de la reine, donc il faut une situation de départ. Par exemple, pour le supermarché zombiesque, vous êtes dans un supermarché infesté de zombies, comment allez-vous vous en sortir? Puis donc plein de situations avec des zombies, des histoires d'amour avec des zombies, enfin des trucs quoi. Et puis une situation finale, vous êtes sur le point de vous échapper du supermarché, mais votre meilleur ami est resté sur place, y retournez-vous quoi. Voilà, donc tu te fais ton truc. Et alors là, du coup, il faut pas détacher les cartes. On va voir souvent cette question, cet enjeu. Faut-il détacher, pas détacher les cartes? Ça va dépendre de ce que tu fais, quoi. Je pense que tant que tu estimes ne pas avoir fini, peut-être qu'il vaut mieux garder attaché, quoi. Même pour faire des tirages aléatoires, tu feuillettes dans le bouquin, hein, ça va vite, quoi. Tu peux te faire aussi ce qui s'appelle le jeu des 10 000 cartes. Alors, j'ai pas des... En fait, un jeu des 10 000 cartes, c'est un jeu où chaque carte, en fait, va faire augmenter une valeur. Donc, tu peux mettre plus 1, moins 5, plus 6, et il peut y avoir des gages narratifs. Alors, tu dis, bah ouais, mais quel rapport avec le jeu de rôle? Bah, ça peut être juste des cartes qui influent sur des valeurs, donc peut-être plus 5 en dextérité, plus 5 pièces d'or, puis avec des petits événements narratifs. Et en fait, de fil en aiguille, tu vas te faire simplement des petites cartes événements, quoi. Hein. Voilà, pour le jeu des 10 000, ou peut-être que tu vas trouver une idée de jeu de rôle qui fonctionne sur le principe du jeu des 10 000 cartes. Je mettrai dans la description ce que c'est le jeu des 10 000 cartes. Tu vas pouvoir aussi faire des petits playbooks de PJ-PNJ. Alors, j'ai pas d'exemple à te montrer, parce qu'en fait, en vrai, j'en ai pas fait. Mais bon, du coup, mettons pour Midvo un playbook la survivaliste. Quand tu sacrifies une de tes ressources pour aider le groupe, gagne plus un en grognon. comment? Quand tu trouves une bonne idée pour gérer une situation périlleuse, gagne plus un expérience, bon, des trucs comme ça, quoi. Et puis avec une liste de matos que peut avoir la survivaliste. Et puis toujours, si tu veux, en fait, cette idée de ce petit format te contraint. Et ça, c'est pas mal quand t'as du mal à achever tes projets. Parce que là, bon, bah voilà, tu sais que ça doit tenir dans ton playbook, il doit tenir dans une carte. Donc il y a un moment, tu vas bien être obligé de t'arrêter. En général, d'expérience, si tu passes 5 minutes sur une carte, c'est vraiment que tu as été, on va dire, perfectionniste, quoi. Donc, c'est très bien quand tu as du mal à finir des projets. Ouais, tu peux faire des petites cartes de donjons et d'environnement, puisque le quadrillage s'y prête très bien. Tu vas regarder sur Internet, tu tapes le tag hashtag Micromap, tu vas trouver plein de trucs, surtout dans la scène OSR, ils s'amusent beaucoup. Donc, j'avais fait un. Je la montre très vite fait, j'ai commencé. J'avoue, j'en ai fait qu'une. Là, c'est la place du marché dans Millevaux. Et l'idée, moi, je suis parti du principe de zéro légende. Il n'y a pas de texte. Et donc, il faut que je fasse des images qui sont évocatrices, qui donnent envie de se poser des questions. Mais ça tombe bien, parce que du coup, il faut que j'aborde le sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est Rollistopia. Rollistopia, la ville rolliste. Nous, les rollistes, sommes voilà, chassés. De tous les endroits cool du monde, on est considéré comme des nerds, on se fait bolosser, et du coup, c'est pour ça qu'a été créé Rollistopia dans une ville, dans un endroit tenu secret, qui est entièrement bâti par des rollistes, pour des rollistes. Donc tu vas trouver des supermarchés de dés, eh bien tu as un budget associatif absolument colossal, sauf pour les associations de sport, hein, bien sûr. Voilà, t'as tu trouves des boutiques de costumes et de cosplay. Le dark ambiante est la principale musique pratiquée dans cette ville. Donc il y a des centaines de groupes de dark ambiante qui consacrent leur vie, et de dungeon synth qui consacrent leur vie à réaliser des BO de jeux de rôle. Voilà. Tout le monde est rôliste, le service, le service des éboueurs est rôliste, les autorités locales sont rôlistes, les délinquants sont rôlistes aussi, ils vous volent vos dés, enfin voilà, vraiment, viens des-y, quoi. Hein. Donc si tu veux connaître l'emplacement secret de Rollistopia, envoie-moi 100 euros avec le code Rollistopia et tu auras l'information. Bon, donc la map de donjon, tu peux t'amuser, alors c'est un peu ambitieux, mais bon, ça m'en fout, à faire ce qu'on appelle un bac à sable du quotidien. Donc le bac à sable du quotidien, en fait, c'est une façon de scénariser le jeu de rôle, c'est vraiment sandbox, hein, pour le coup. Il n'y a pas de règles, c'est du pur narratif. Les personnages n'ont pas d'objectif précis, ils ont juste la permission de se balader, puis de discuter, d'interagir avec qui elles veulent, quoi. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une galerie de lieux et de personnages. Alors, je dirais plutôt du texte, hein, fais plutôt du texte. Et l'idée, c'est que tu vas gratiner du texte pour chaque lieu, pour chaque personnage. Tu vas gratiner, en fait, avec leur routine, avec ce qui se passe dans les lieux à différentes heures, avec les routines des PNJ, tout ça. Et donc, une fiche par item, c'est pas mal. Tu peux te faire un oracle. Alors, je t'ai montré un peu le système de résolution de Grandi Pouce. Donc, tu peux le faire de cette façon, quoi. Je vais relire deux, trois trucs de Grandi Pouce pour que tu aies une idée de c'est quoi un oracle. C'est vraiment passé de justesse. Tu réussis et quelqu'un t'offre une récompense. Tu réussis, mais les autres n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Évidemment, tu peux peut-être typer en fonction de ton jeu. Si c'est du L5R, tu réussis, mais de façon déshonorante, ainsi de suite, quoi. Et tu peux aussi t'amuser à faire un petit tarot, le tarot de ton monde, hein. La mandragore, voilà, la mandragore, c'est tel, ça prédit telle chose, le dragon, ça prédit telle chose. Et pour finir, bah, je suis obligé de te parler d'Échevœil. Échevœil, en fait, c'est un jeu de rôle, Milvaux, mais c'est aussi une méthode pour créer son propre carnet. Donc, moi, j'ai fait tout un carnet rempli, voilà, que j'ai toujours pas diffusé parce qu'il faut que je le scanne. Et en fait, il y a toute une méthode, c'est un carnet de PNJ et de lieux. Et en fait, voilà, j'ai un PNJ, par exemple, qui s'appelle Goupil, le gentil Goupil, il a associé un lieu. Ce lieu, c'est le chemin du château d'eau. Donc il y a les petites péripéties qui sont écrites, il y a tout un tas d'informations. Il y a aussi des oracles avec des mots-clés qu'on peut tirer. Le mot-clé, c'est buvons. Voilà. Tu retrouveras tout ça en description. Échevœil, c'est une méthode pour faire. Il y a aussi une vidéo de Lancer Critique qui explique comment faire ça en dehors du monde de Milvaux, quoi. Comment créer ton carnet de lieux et de PNJ. Voilà, écoute, j'espère que comment je t'ai donné envie. Bon, je te rappelle qu'il y a toujours le Patreon et blablabla, soutiens-moi, tout ça. Mais je pense que le plus important. C'est les commentaires, il faut qu'on discute. Est-ce que toi tu t'amuses à faire des bloc-notes? Est-ce que tu peux nous envoyer des petits scans et tout? Allez, moi je te fais des gros bisous. Force à toi, à la prochaine.